la maman est qui. Tu m'as rendu très malade. Ce soir sans doute quand tu passeras, je serai encore plus malade. Georgette à moi na maman. Georgette à moi na maman. Je dirai tout à Delphina. Je serai encore plus malade. Georgette à moi, na maman. Georgette à moi, na maman. Je dirai tout à Delphina. Georgette à moi na maman, tu m'as rendu très malade. Georgette à moi na maman, au Katinga y motema. Yeah.